Zambanga Ponyudum, Avala Simbana, Zambanga Solendum, Avala Bendon, Yamatamaya Mora to run them away. As you do it, go away. Avala, Avala Bendon, Avala Bendon, Avala Bendon. Avala Simba, Zambanga Solendum, Avala Bendon, Yamatoma Yamora, Togandum, Asutu, Owe, Avala Bendon, Avala Bendon, Yamora, Togandum, Avala Bendon, Avala Bendon, Yamatoma Yamora, Togandum, Asutu. Je n'ai pas dit les originaux ou les originales, mais l'origine du Soubaki. Ok. Et tu vois Simba, Samba encore pour un yon de monde. Avala Simba, Samba encore sur un l'homme. Avala Venom. I'm not going to be able to do it.